Allez, c'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 8 janvier de quelle année ? Le 8 janvier 1642, Raphaël, du côté de Florence en Italie, à Arcetri exactement, le jour de la mort d'un certain Galileo Galilei, connu chez nous sous le nom de Galilée. Galilée qui a inventé la lunette astronomique, exactement. C'est bien ça ? Oui, pour observer les planètes et les étoiles d'un peu plus près. À dire vrai, cette lunette était inventée par un Hollandais, mais lui, Galilée, la perfectionne. Il réussit à grossir 30 fois l'objet observé, alors que la première version ne grossissait que 3 ou 4 fois. Et grâce à son invention, il peut maintenant observer la Voie lactée, distinguer des cratères sur la Lune, des taches sur le soleil, même des étoiles qui jusqu'alors avaient paru totalement invisibles. Il écrit un livre pour décrire ses observations et ça lui donne un succès absolument triomphant. Oui, il se fait des ennemis, j'imagine, du même coup. Oui, on voit que vous connaissez la vie finalement. Hein, quand vous savez que lorsqu'on est très exposé, effectivement, ce sera le cas de Galilée qui défend la thèse copernicienne, selon laquelle la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais au contraire, tourne sur elle-même et autour du Soleil. Cette thèse n'est pas nouvelle, elle est connue. Personne n'avait jusqu'alors osé la défendre ouvertement et en langue ordinaire, compréhensible par tous. C'est ce qui va faire la grande différence. Sur un plan religieux, ça pose un gros problème. Avec cette théorie, nous ne sommes plus le point de mire de Dieu, mais un simple petit point perdu dans l'univers, comme dirait Alain Siroux. Les princes de l'Église se raclent la gorge, même le pape Urbain VIII, qui connaît personnellement Galilée, ne peut empêcher un procès et Galilée va être condamné à la prison, en fait à la résidence surveillée. Le savant doit abjurer, renoncer à ses hypothèses en lisant un texte dans lequel il reconnaît ses erreurs, c'est une palinodie. Quand vous savez qu'il a raison, on peut imaginer le supplice que c'est pour lui. La légende veut qu'après cette lecture, il ait murmuré quand même « Et pour si mauve ». Et pourtant, elle tournait. Oui, il faudra attendre 1992 pour que l'Église, par la voix du pape Jean-Paul II, reconnaisse ses torts à l'égard de Galilée. Franck, on vous retrouve à 14h sur Europe 1. Oui, et nous parlerons de Madame Dudéfant, bel esprit, esprit des Lumières.